إن الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه, وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له, وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى أهله وصحبه وسلم تسليما كثيرا ما بعد. طيب, نسأل الولد عبد القدوس. Question pour عبد القدوس. Question facile pour عبد القدوس. إذا واحد يسألك من خلق السماوات والأرض وما بينهما, فماذا تقول؟ Qui a créé les cieux et la terre؟ Allah. أحسنت. الآن سؤال أصعب شوية. عم بفجع. تجيب؟ طيب. ما حكم من يقول أن الله الذي خلق السماوات والأرض, أن الله هو الذي ينزل المطر, أن الله هو الذي يحيي ويميت, غير ذلك, ثم يعبد شجرة أو القمر؟ مشرك, ما شاء الله. أحسنت. إذن بهذا الجواب هذا يدل على أنك فهمت القاعدة. Tu as compris la règle. Allahumma barik. فالآن سنسأل أباه. Donne-nous le khurasa de la règle. Qu'on a appris. Le khurasa. نعم. هذا بارك الله فيك. Le tawhid de rububiyya ne suffit pas pour faire de toi musulman. وهل تعرف الدليل أو الدليل على هذا أبا مهدي؟ حتى même si tu te rappelles ce qu'on a pris dans le sous sur la salle, بس ما في شيء. أنا مشي كنت كم كيلو عقل. يعني qu'est-ce qui démontre que celui qui dit que Allah a tout créé, que celui qui donne la vie, qui donne la mort, tout ce qui concerne la seigneurie, il le reconnaît. Est-ce que ce point-là suffit à faire de lui un musulman? Non. Ça te demande pourquoi, quelle sera la réponse? Qu'il va dire, alors pourquoi je ne suis pas musulman? Pourquoi je ne suis pas comme toi? Pourquoi tu es un croyant? Moi, je suis un mécréant. On va te demander pourquoi. Hada minhu. لكننا نقطة في الإسلام. Par rapport à l'islam, tu as un fait qui vient pour t'aider à te dire pourquoi exactement. Tu sais pas ça. Tu l'as pas vu. Il a donné un exemple de quelque chose qui s'est passé qui démontre que ce qu'il fait ne suffit pas. Un fait connu. D'ailleurs, c'est ce que cite l'auteur dans la Risala. En fait, les Quraysh ont demandé à Rasulullah Sallam de laisser tranquille, mais qu'ils reconnaissent leur divinité. Sans même aller jusque-là. Encore plus simple. Mais tu as trouvé, on va dire, 80% de la réponse. Quraysh. Après, donne la suite des Quraysh. Autre que ce que tu as dit, un truc encore plus simple. Quraysh, ils adoraient Allah, ils adoraient autre qu'Allah. Annick Quraysh reconnaissait tout cela et malgré tout, à l'époque, était considéré comme des mouchrikouns et que le prophète Mohammed sallam les a combattus. Donc ce qui démontre que celui qui combat, c'est que c'est pas un musulman. Qu'il lui a été interdit de combattre ceux qui attestent qu'il n'y a pas de divinité digne d'être adorée, ce n'est Allah, et que Mohammed est son messager, et qui font la salat, qui accomplit sa zakah, ou qui s'acquitte de la zakah. Donc Quraysh, comme quand le mu'allif dans le verset, et si tu leur demandais qui a créé les cieux et la terre, il a réalisé les cas, ils diront c'est Allah. Afala tattaqoun, ne craignez-vous donc pas, là pourquoi vous adorez vos idoles? Pour quelle raison Quraysh adorait ses idoles? Là on va en parler aujourd'hui dans la deuxième règle, lui il a cité, il a fait allusion dans le char. Ils ont fait des intermédiaires. Parce qu'ils vont te dire, nous aussi, on veut plaire à Allah. On reconnaît qu'Allah l'a tout créé, nous on veut arriver à Allah. On sait que c'est Allah qui va nous faire entrer au paradis, au feu. Mais ces idoles que l'on prend sont là pour nous rapprocher d'Allah. On les a pris comme intermédiaires. Donc, bah, dans le Coran, elle a dit que ce que tu as fait, c'est du shirk. Comme on l'a expliqué hier, comment as-tu, te permets-tu de te rapprocher d'Allah par une chose qui t'a interdit de faire dans l'absolu? C'est absurde ou pas? Totalement absurde. Alors, ce qu'on avait dit hier, le kufr, c'est stupide. Un mécréant, c'est stupide. Aussi cultivé soit-il, et aussi ingénieux soit-il dans la dunya, s'il n'a pas compris ça, il n'a rien compris. Car on a été créé pour cela. Donc le but de ton existence, tu ne l'as pas compris. L'essentiel de ta vie sur terre, tu ne l'as pas compris. Tout le reste, c'est accessoire. Tout le reste, c'est accessoire. Mais si tu n'as pas compris ça, tu n'as rien compris. Wallahi azubillah. Et même pour le musulman, d'où l'importance d'apprendre. Comme le cheikh l'avait cité aussi. طيب اليوم سندخل في القاعدة الثانية. فقال المؤلف رحمه الله تعالى محمد ابن عبد الوهاب: القاعدة الثانية أنهم يقولون ما دعوناهم وما توجهنا إليهم إلى لطلب القربة والشفاعة. فدليل القربة قوله تعالى: ألا لله الدين الخالص والذين اتخذوا من دونه أولياء ما نعبدهم إلا ليقربونا إلى الله زلفى إن الله يحكم بينهم فيما هم فيه يختلفون إن الله لا يهدي من هو كاذب كفار. ودليل الشفاعة: ويعبدون من دون الله ما لا يضرهم ولا ينفعهم ويقولون هؤلاء شفعاؤنا عند الله. والشفاعة شفاعتان: شفاعة منفية والشفاعة مثبتة. فالشفاعة المنفية ما كانت تطلب من غير الله فيما لا يقدر عليه إلا الله. والدليل قوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا أنفقوا مما رزقناكم من قبل أن يأتي يوم لا بيع فيه ولا خلة ولا شفاعة والكافرون هم الظالمون. والشفاعة مثبتة هي التي تطلب من الله، والشافع مكرم بالشفاعة، والمشفوع له ومن رضي الله قوله وعمله بعد الإذن، كما قال تعالى: من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه. Donc la ترجمة du kalam de l'auteur, il dit que la deuxième règle, c'est que eux ils disent que nous n'avons pas invoqué, c'est-à-dire ces idoles, ni nous nous sommes dirigés vers eux, si ce n'est pour nous rapprocher d'Allah et obtenir l'intercession, la shafa'a. Un yom al-qiyama pour être au paradis, auprès d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et la preuve justement du fait qu'ils veulent se rapprocher d'Allah, c'est le verset dans le sens où Allah dit: n'est-ce pas pour Allah qui est la religion pure et ceux qui ont pris en dehors de lui des alliés, ils disent: nous les adorons que pour qu'ils nous rapprochent d'Allah. Certes, Allah jugera entre eux dans ce quoi ils divergent. Et certes, Allah ne guide pas celui qui est un menteur mécréant. Et là, c'est le shahid du verset. Cela démontre que ce qu'ils font les rend mécréants. Par la suite, la preuve de la shafa'ah, de l'intercession, le verset dans le sens où Allah dit: ils adorent en dehors d'Allah ce qui ne leur nuit en rien, ni ne leur apporte profit. Et ils disent: ceux-là sont nos intercesseurs auprès d'Allah. Donc là, ce verset démontre qu'ils veulent la shafa'a avec ses intercesseurs. L'intercession est de deux sortes: celle qui est refusée et celle qui est affirmée, acceptée, du moins confirmée. Non. Donc celle qui est refusée, c'est celle qui est recherchée auprès d'autres que Allah, dans ce que seul Allah est capable d'accomplir. Et la preuve de cela, c'est la parole d'Allah dans le sens où il dit: ô vous qui avez cru, dépensez de ce dont nous avons octroyé avant que ne vienne un jour où il n'y aura plus de négoce et plus d'amour et ni d'intercession, et les mécréants sont ceux-là les injustes. Et la shafa'a, la tassation, celle qui est affirmée, confirmée, est celle qui est recherchée auprès d'Allah. Et que l'intercesseur est honoré par la shafa'a, c'est-à-dire qu'il lui est autorisé de la faire, c'est une personne apte à la faire, et que également celui pour qui on intercède, c'est une personne dont Allah agrée les œuvres et les paroles, et cela après sa permission. Et cela après sa permission d'Allah. Comme il dit dans le sens, et qui donc intercédera auprès de lui, si ce n'est après sa permission. Ah, Kalam Dimatan. Donc l'auteur, il dit, plutôt le commentateur, il dit, Cheikh Zayd al-Matrali, rahimahullah ta'ala, wa hadhihi al-qa'idatu tadammanat amrayn. الأمر الأول شبهة هؤلاء الكفار التي أضلوا بها في عصر النبوة وورثها المشركون في كل زمان ومكان هذه الشبهة التي ظنوها حجة لهم يقولهم ما دعوناهم أي تلك الأصنام والأوثان على اختلاف أنواعها وتوجهنا إليهم إلا لطلب القربة والشفاعة أي لم نطلبهم ذلك لأنهم يخلقون أو يرزقون أو يحيون أو يحيون أو يميتون أحدا يعني لن نعتقد فيهم خلقا ولا إيجادا ولا إحياء ولا إماتة ولكن من أجل القربة إلى الله وشفاعة عنده اتخذناهم معبودات وآلهات من دون الله ورجعنا منهم جلب المصالح ودفع المضار. Donc le commentateur, il dit que cette règle comporte deux points. Deux points. Premier point, l'ambiguïté de ces koufars, de ces mécréants, qu'ils ont pris à l'époque de la prophétie, et que dont ont hérité les mouchidekouns en tout temps et en tout lieu, par la suite. Ils sont les premiers, à l'époque du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, à l'avoir dit. Et les gens ont hérité de cela par la suite. En disant, cette chouboual, c'est quoi ? Et qu'ils pensent qu'elle a un argument pour eux. Quand ils disent, nous ne les invoquons pas, c'est-à-dire ces idoles, sous toutes leurs formes, nous ne dirigeons pas vers eux, si ce n'est pour rechercher le rapprochement, c'est-à-dire vers Allah, et la shafa'a, l'intercession. C'est-à-dire, nous ne faisons pas ces actes-là vers eux, du fait qu'ils créent, ou qu'ils ont la subsistance, ou qu'ils font vivre, ou qu'ils font mourir, qui que ce soit. C'est-à-dire, nous n'avons pas pour croyance qu'il crée. Nous savons cela. D'accord ? Ni qu'il donne la vie, ni la mort. Mais cependant, nous faisons cela pour qu'il nous rapproche d'Allah ce matin-là. Et pour obtenir la shafa'a auprès de lui. C'est pour cela que nous en avons fait des adorés. Et des divinités en dehors d'Allah. C'est-à-dire que nous espérons d'eux qu'ils attirent des avantages, des intérêts pour nous, et qui repousse les nuisances. Après, il dit, هذه الحجة فندها الله سبحانه وتعالى في عدة آيات منها قوله تبارك وتعالى والذين اتخذوا من دونه أولياء قائلين ألا لله الدين الخالص والذين اتخذوا من دونه أولياء ما نعبدهم إلا ليقربونا إلى الله زلفى إن الله يحكم بينهم فيما هم فيه يختلفون ثم حكم عليهم بالكفر في قوله إن الله لا يهدي من هو كاذب كفار ومن جملة هؤلاء الكاذبين الكافرين الذين اتخذوا من دونه أولياء يرجون منهم جلب المصالح ودفع المدار يرجون إنجاد الولد وشفاء المريض والأمن والنفي الخوف إلى غير ذلك مما لا يقدروا عليه إلا الله وحده دون سواه. Donc là, le commentateur dit que Allah SWT a réfuté justement leurs prétentions dans plusieurs versets. Parmi ces versets, sa parole, dans le sens où il dit, c'est-à-dire les versets du matn à la base, ceux qui ont pris des alliés en dehors de lui. C'est-à-dire ceux qui disent, après il cite le verset dans le sens où il dit, n'est-ce pas pour Allah la religion pure, et ceux qui ont pris en dehors de lui des alliés, ils disent, nous ne les adorons que pour qu'ils nous rapprochent d'Allah. Certes, Allah jugera entre eux dans ce quoi ils divergent. Puis, Allah jugea sur eux de la mécréance, par leur fait. Dans sa parole, dans le sens où il dit, certes, Allah ne guide pas celui qui est un menteur, grand ingrat, grand mécréant. Puis il dit que parmi justement, parmi ces, dans l'ensemble de ces menteurs et de ces mécréants, ceux qui disent, dans la parole d'Allah, dans le sens où il dit, que nous avons pris en dehors de lui des alliés, c'est-à-dire que eux, ils espèrent de ces alliés qu'ils leur attirent des avantages, qu'ils repoussent le mal, qu'ils leur accordent des enfants, la guérison du malade, la sécurité, qu'ils les apaisent de leur peur et autres parmi les choses que seul Allah est capable d'accomplir. Et tout ça, on l'avait pris dans Usul Salasa. Vous vous rappelez dans les adorations que certaines, il y a un tafsil. Ce n'est pas toute adoration, ou plutôt ce qui porte le nom d'une adoration, comme le dua, que celui qui le fait pour autre qu'Allah tombe dans le shirk obligatoirement. Il y a un tafsil, ça dépend à qui il demande, qu'est-ce qu'il invoque. Donc eux là, ont pris ces fausses divinités, et se sont mis à les invoquer, et à tourner des actes d'adoration vers eux, pour qu'ils se rapprochent auprès d'Allah et pour tirer d'eux des choses que seul Allah est capable d'accomplir. Parmi elles, avoir des enfants. Parmi elles, la guérison de la maladie. Il y a des causes, donc c'est qu'il y a des causes pour se guérir. Mais ces causes, qui les a mises? C'est Allah subhanahu wa ta'ala. Toi, par exemple, demain, tu as une maladie, tu fais les causes, tu remets à Allah, tu t'invoques à Allah. Ça, c'est tawakkul. Quoi qu'il en soit, est-ce que tu veux invoquer quelqu'un pour lui dire « guéris-moi » Même le médecin, c'est-à-dire « guéris-moi » comme ça. Lui, il ne peut rien faire de plus que t'indiquer les médicaments, il n'y a aucun pouvoir. S'il a la science, le savoir de cette maladie que tu as, il connaît le remède, il l'indiquera. Et cela, c'est Allah qui lui aura accordé ce savoir. Ce n'est pas une science infuse, ce n'est pas un pouvoir qu'il a. C'est un savoir. Mais lui en lui-même, demain, tu te mets à dire, ouais, guéris-moi. Il dit, bah, j'ai tout fait et maintenant, je vois que si vous n'êtes pas guéri, je ne peux rien faire. Tu cries, guéris-moi, guéris-moi. Tu l'invoques et tout. Il ne peut rien faire pour toi, Talib. Parce que lui-même, il est malade. Tu ne sais même pas. Tu te dis, ouais, guéris-moi de, je sais pas, moi, j'ai telle maladie. Il a un cancer des poumons, lui. Ou un cancer du côlon, je ne sais quoi. Lui-même, il ne peut pas se guérir. Il t'indique, c'est tout. Comment faire? Ah, mais la guérison, elle n'est pas dans ses mains. Il n'est qu'une cause. Donc, ces gens-là tournent des adorations qui, à la base, ne sont que pour Allah. Vers autre que lui, pour soi-disant se rapprocher de lui, obtenir l'intercession et également tirer des avantages dans des choses que seul Allah est capable d'accomplir. Donc ça, c'est du shirk à l'état pur. Et vous saurez, comme le disait le ulama, qu'aujourd'hui, les gens qui adorent les kubur, les gens dans les tombes, c'est exactement ça qu'ils font. Ma fihi wa la farq. Ils disent, nous, on n'est pas comme Quraysh. On n'adore pas des idoles. On n'adore pas des arbres. On n'adore pas des pierres. Nous, c'est une personne pieuse qu'on invoque car on sait que Allah l'aime. Donc, on lui demande des choses auprès d'Allah pour nous. Il intercède. On dit, la forme, elle a changé. Tu as changé la pierre par une tombe, mais le fond, il est le même. Et l'adoration, elle est la même. Tu invoques autre que Allah. Tu espères de autre que Allah. Tu t'en remets autre que Allah. Tu as peur de autre que Allah. Tu espères de autre que Allah. Dans ce quoi seul Allah est capable d'accomplir. Il n'y a pas de différence entre toi et Quraysh. Il n'y a pas de différence. Et c'est ça que ça lâche boîte. Pour dire non, nous, Auzubillah, j'adore pas Bouddha, j'adore pas une pierre, j'adore pas un arbre. Il dit, moi, je demande à un tel car c'est un wali d'Allah, c'est un allié d'Allah. Donc, si c'est un allié d'Allah, Allah écoutera de lui quand il demandera pour moi. Tu dis, cet homme que tu invoques, qui est mort, comme les ulama le disent, est plus en besoin de tes doigts, lui de toi, que toi de lui. Lui, c'est fini, il ne peut plus rien faire pour toi. C'est fini, il est mort. Amrou il Allah. Mais toi, tu es vivant. Donc toi, tu peux invoquer pour lui qu'Allah lui fasse miséricorde, qu'il lui pardonne. Tes doigts peuvent lui servir à lui, mais toi, que tu l'invoques lui, pour toi, il ne peut rien faire pour toi, il ne t'entend même pas. Il ne t'entend pas. Il ne peut rien faire pour toi. Et même si c'est un allié pour de vrai, comme tu le prétends ou quoi, toi, en faisant ce que tu fais là, comme cela va venir, la shafa'a, c'est... Tu ne rentres pas dans la shafa'a. Pourquoi? tu fais du shirk. Ce que tu fais là, c'est du shirk. Et l'allié, celui à qui Allah donnera la permission de l'intercéder, c'est pour les gens de tawhid. Même les désobéissants. Mais toi, ce que tu fais là, c'est du shirk. C'est de la mécréance. Donc ceux-là te privent de la shafa'a yawm al-qiyama. Non. بعد هذا قال فيقال لهؤلاء ما دمتم تؤمنون بأن الله هو الخالق القادر المحيي بكل شيء والسميع البصير لماذا لا تتوجهون إليه في طلب قضاء الحاجة وكشف الكربة وكل ما تحتاجون أو يحتاج إليه الإنسان البشري فالله عز وجل هو الذي يقضي فلا يحتاج إلى واسطة لأنه صاحب الكمال المطلق والعلم المحيط بكل شيء لا يخفى عليه شيء بذوات بني آدم ولا من أعمالهم ولا من أقوالهم وأفعالهم ولا من حاجتهم ولا ما توسوس به أنفسهم كل ذلك معلوم لله قد أحاط بعلمه وأحصاه عددا. Le commentateur dit, donc, ces gens-là, qu'est-ce qu'il faut leur dire? Que tant que vous croyez que Allah c'est lui qui crée, que c'est lui qui est capable, c'est lui qui entoure toute chose par son ouïe et par sa vue, alors pourquoi aller demander, se tourner vers autre que lui pour demander l'accomplissement de vos besoins et de vous délivrer de vos fardeaux et de tout ce que dont l'être humain a besoin? Allah, c'est lui qui juge, c'est lui qui décrète. Donc il n'y a nul besoin d'intermédiaire. Comme il le dit bien l'auteur là, Allah wa samia. Il entend tout. Donc si tu l'appelles, il t'entend. Comme a dit Allah, donc Allah a demandé ce qu'on invoque. Il dit que si on l'invoque, il répond. Il n'a pas dit demande à un wasita pour qu'elle me demande à moi pour toi. Il t'a dit invoque-moi directement. Hey Anna, invoquez-moi. Astajib lakum, je vous répondrai. Donc Allah subhanahu wa ta'ala a parmi ses attributs la perfection dans l'absolu, dans lui, l'ouïe absolue et la vie absolue. Il sait toutes choses par sa science. Rien ne lui échappe. D'accord? Même parmi les choses dont les fils d'Adam ont besoin. Il sait tout ce qu'ils font, dans leurs actes, dans leurs paroles, pour les alika. Et même dans leurs besoins, ou même dans ce qu'ils ressentent comme frustration de leurs âmes au fond d'eux. Les wasawis, Allah il les connaît. Ce que tu as au fond de toi que personne ne sait, Allah il le sait. Donc Allah c'est toute chose et a tout dénombré. Donc pourquoi aller demander autre que lui? ثم قال الأمر الثاني بيان أنه لا حاجة إلى وسائط المحرمة بنص الكتاب والسنة في جلب المصالح ودفع المضار بنص الكتاب والسنة وإنما الواسطة المشروعة التي يجب اتباعها هي واسطة الرسالة أي الرسل الذين هم الوسائط بين الله وبين الخلق وهم الذين يجب أن يتخذوا وسائط بمعنى أن نأخذ العلم منهم في العقيدة والشريعة ونتبعه بالعمل. Il poursuivit en disant, deuxième chose à rappeler à ces gens-là, qu'il n'y a pas besoin de faire d'émettre d'intermédiaires interdits, illicites. Et ces intermédiaires-là ont été rendus interdits par quoi? Par les textes explicites du livre de la Sunna. Pas besoin d'intermédiaires pour attirer les avantages ou repousser le mal. Et cela a été décrété par preuve du livre de la Sunna. Mais cependant, l'intermédiaire qui est légiféré, qui est obligatoire de suivre, c'est l'intermédiaire du message, c'est-à-dire les messagers. Ceux qui sont, eux, les intermédiaires entre nous et Allah subhanahu wa ta'ala. D'accord? Et eux, il nous est obligatoire de les suivre et de les prendre comme intermédiaires. C'est-à-dire, comprendre d'eux la science dans la croyance et dans la législation. Et qu'on applique. Naam. Et toujours est-il, comme on va le prendre dans la Waqid de l'Islam, Inch'Allah, également à notre époque, il n'y a plus de messagers. Bien entendu. Le dernier d'entre eux, c'était Mohammed, sallallahu alayhi wa sallam. Aujourd'hui, on a quoi comme wasita, mashrou'a? On a les savants. Dans quel sens ces savants? Pas en les invoquant. Pas en les adorant. En prenant cette science qu'ils ont héritée des messagers. aujourd'hui, ils font office d'enseignants pour nous, de ce qu'on ne connaît pas. Ils nous retransmettent le message. Ils nous l'expliquent, nous l'éclaircissent. Donc ces gens-là, les ulama, al-ulmi, eux font office d'intermédiaires, légiférés. Mais cependant avec une limite. Eux-mêmes ne sont pas une preuve en soi, ils ne sont pas à suivre dans l'absolu. On suit ce à quoi nous appelle de ce qu'ils ont pris comme enseignement des messagers. Car le savant n'est pas infaillible. Ne te dis pas, si je ne suis pas tel savant, je vais me perdre dans l'absolu. Non, si tu ne suis pas le dalil qui te donne. Mais l'homme en lui-même, tu n'as pas à le suivre pour l'individu qu'il est. Car il n'est pas, il peut te dire une parole, il se trompe dedans. S'il est mujtahid, comme on le dit, il aura deux récompenses. Une récompense à Fouen. Et s'il a raison, il en aura deux. Mais toi, si jamais il s'est trompé, tu te dans son erreur, tu n'as pas de récompense. Donc le alim, c'est aussi noir, si tort, cependant, par sa science, et également cette science, lorsqu'elle est authentique, conforme au kitab ou à sunna. Et comme on dit, en apprenant et en appliquant, pas en l'invoquant et pas en l'adorant. Thumma qal, amma sa'ir al-khalq, fala yakhlu alladhi yurja'u turja minhu al-wasita wa shafa'a wa al-qurba imma an yakuna hayyan aw mayyitan. Par contre, les autres parmi la création, c'est-à-dire dont certains espèrent prennent comme intermédiaire ou comme rapprochement, ne sortent pas de deux catégories, soit le mort, soit le vivant. C'est ce que tu prends comme moi, c'est toi. Entre toi et Allah SWT, parmi la création, soit les morts, soit les vivants. Il dit, فَإِذَا كَنَا مَيَّتًا فَلَا يَجُوزُ أَنْ تَتْلُبُوا مِنْهُ شَيْئًا مُتْلَقًا لَا فِيمَا يَقْدِرُ عَلَيْهِ الْبَشَرُ وَلَا فِيمَا يَقْدِرُ عَلَيْهِ الْبَشَرُ. Celui qui est mort, tu n'as rien à attendre de lui dans l'absolu. Ni dans ce que l'homme est capable d'accomplir, ou le contraire, dans ce qu'il est incapable d'accomplir. Le mort n'y a rien à attendre de lui. Contrairement à ce que font les Kubouliyoun. Comme on l'a cité précédemment. Qu'ils invoquent les morts, soi-disant qu'ils sont des alliés, et qu'ils veulent s'approcher d'Allah subhanahu wa ta'ala. Thumma qal, amma raja al-shafa'ati wal-kurbati wa qada al-hajati min al-hay, fahadha la yakhlu min halayn. Al-halatu l'oula, imma an yakuna dakhiran taht al-kudra, yani al-kudra al-bashariya, wa kana hadiran, wa fi hukm al-hadir, aw fi hukm al-hadir. Wa imma an yakuna kharijan an kudrat al-bashar, fa in kana kharijan an kudrat al-bashar, fala yajuzu an tatluba minhu al-shafa'ata aw qada al-hajati, bal yu'tabaru hadha min al-shirk al-akbar, kama fa'alu kuffar quraish wa ghayruhum. أما إذا كان المطلوب مما هو داخل تحت قدرة البشر كالإعانة في الشيء مقدور عليه والإمداد كذلك وغير ذلك مما يحتاج إليه الإنسان البشري إلى الآخر إلى آخر ما أسلفت فهذا شيء جائز مع تعلق القلوب بأن الله عز وجل هو قاضي الحاجة وهو الذي يفرج الكربة وهو الذي يقضي في كل شيء ويحكم لا معقب لحكمه. Après, il dit par la suite, maintenant, si cette shafa'a, ou ce rapprochement, ou ce besoin à accomplir, tu l'espères d'un vivant, alors également, cela ne sort pas de deux cas. Premier cas, que soit il rentre dans le jugement dans celui qui est en mesure d'accomplir, c'est-à-dire qu'il est présent, ou dans le jugement du présent. Comme on l'a pris dans le do'a, dans ce salafa. Quand tu demandes une chose à quelqu'un qui est présent, qui t'entend et qui peut t'aider dans ce dont tu as besoin. Ça, c'est la première situation. Deuxième situation, ou alors qu'il soit quelqu'un qui sorte de la capacité humaine. C'est-à-dire qu'il n'est pas en mesure de faire ce que tu attends de lui. Soit qu'il est absent, soit qu'il ne l'entend pas, soit qu'il en est incapable. Donc là, de vouloir de lui déjà l'intercession ou qu'il accomplisse un besoin. Et cela est jugé comme étant du shirk majeur, comme l'ont fait qui ? Quraysh et autres que eux. Que tu attends d'une créature ce qu'elle ne peut faire. Tu l'invoques, tu espères d'elle, tu la crains et autres. Par contre, si la chose que tu attends rentre dans une chose que l'être humain peut être en mesure de faire, comme par exemple il t'aide dans un besoin que tu as quelconque et qu'il en est capable dans ce que tu as besoin, ça, il n'y a pas de problème. C'est jaïz. Comme on l'a expliqué, demain, tu es là, tu as une chose lourde à porter, quelqu'un passe au loin, tu dis « Ya Foulen, Saïdni ». Tadrou, tu l'appelles. Nous sommes à Doha. Da'atou Foulen Ental, Saïdni. J'ai appelé un tel qui m'aide à porter cette chose lourde. Il est venu t'aider. C'est pas du shirk. Maintenant, tu es là tout seul, avec un truc lourd, il n'y a personne. Et tu commences à invoquer comme ça quelqu'un qui n'est pas là, qui ne t'entend pas. Là, tu tombes dans le shirk. Tu espères qu'il t'aide. Tu dis, il n'est pas là. Il ne t'entend pas. Toi, tu es au fond de toi, tu espères qu'il t'aide. Il ne peut pas t'aider, il n'est pas là, il ne t'entend pas. Là, c'est une chose que seul Allah peut accomplir pour toi à ce moment-là. Donc là, tu tombes dans quoi? Dans le shirk. Comme le font qui? Quraysh. Et bien entendu, même lorsqu'une personne vient pour t'aider, ton cœur reste accroché à Allah subhanahu wa ta'ala. Tu sais qu'il n'est qu'une cause. Une cause légiférée, permise. Par exemple, tu peux être là, tout seul dans un coin, avec ton objet lourd à porter. Personne. Qu'est-ce que tu fais? Ya Rabbi, Aïni. Fais que quelqu'un passe. Et là, quelqu'un y passe. T'es heureux. Tu dis, j'ai invoqué Allah, il m'a répondu. Tu dis, c'est pas lui. Mon secours en soi. Mon secours en soi, c'est Allah qui me l'a accordé. Et la cause de ce secours, cette personne-là. Ça aurait pu être lui ou un autre. Tu ne te mets pas lui à ta amama ou tu te concentres devant lui. Tu dis, sans toi, je ne serai plus rien. Non, tu dis, sans la réponse d'Allah, tu ne serais plus rien. Mais lui n'est qu'une cause. Alors on peut envoyer quelqu'un d'autre que lui. Lui en lui-même n'est qu'une cause. Donc fais attention. Quand tu fais ça, tu invoques Allah, ou que quelqu'un vient pour t'aider, dans ce que tu espères, tu sais que c'est Allah qui l'a envoyé. Bardahada kol. والحاجة الثانية التي أضل بها يسوغ صحة صنيعهم في عبادة الآلهة هي ما دل على ذمها قول الله عز وجل ويعبدون من دون الله ما لا يضرهم ولا ينفعهم ويقولون هؤلاء شفعاؤنا عند الله يعني هم ما أنكروا وجود الله ولا أنكروا قدرته ولا ربوبيته ولكن قالوا إنهم لا غنى لهم عن واسطة بينهم وبين الله وهي الواسطة المذمومة التي تتجلى في اتخاذ تلك المعبودات من أحجار وأشجار وأخشاب وشمس وقمر ونجوم وأولياء صالحين إلى غير ذلك مما هو معلوم من دين الإسلام آلهة من دون الله وقد حذر الله عز وجل من ذلك وحذر منه نبيه صلى الله عليه وسلم وكل عالم رباني يبلغ رسالة النبي صلى الله عليه وسلم وينهج نجهه ويتبع أثره. Donc deuxième chose également qu'ils ont pris pour se permettre d'agir de la sorte, c'est-à-dire d'adorer autre que Allah, c'est ce pourquoi Allah les a blâmés dans sa parole, dans le sens où il dit ils adorent autre que Allah, ils adorent ce qui ni ne leur nuit ni ne leur apporte de bien. Et ils disent, ceux-là sont nos intercédeurs auprès d'Allah. Allah dit bien, ils adorent, dans le sens, ils adorent, autre que Allah, ce qui ni ne leur nuit, ni ne leur apporte de bien. Donc, quelle intercession tu vas avoir? Aucune. C'est-à-dire que ces gens-là n'ont pas renié la présence d'Allah qu'il existe, ni sa capacité, ni sa seigneurie. Cependant, ils ont dit, nous ne pouvons pas nous passer de ces gens-là, de ces intermédiaires. On ne peut pas se passer d'eux. On a besoin d'eux. C'est indispensable pour nous. Et cette intercession, ou plutôt cet intermédiaire, lui, cette façon de faire, elle est blâmée. Car il en fait une adoration, ou plutôt il en fait une divinité. Comme parmi les pierres, ou les bouts de bois, ou les arbres, ou le soleil, ou la lune, ou les étoiles, ou les alliés, parmi les gens pieux, même autres que pieux. Toutes ces choses qui sont connues par l'islam. Ils en font des divinités. Et Allah subhanahu wa ta'ala a déjà mis en garde contre cela, et l'a averti, ainsi que son messager sallallahu alayhi wa sallam, et tout savant Rabbani, qui retransmet le message du prophète sallallahu alayhi wa sallam, et qui suit sa voix. Bon, attention, il a bien précisé là. ça revient à ce qu'on a dit tout à l'heure. Ce qu'on a précisé tout à l'heure, que le alim, alim fait office de wasita pour toi. C'est pas n'importe quel alim, c'est Rabbani, celui qui t'appelle à la vérité, qui t'enseigne le message. Ce qu'il a hérité comme science des messagers, il te le retransmet. Pas une chose qui vient de sa tête à lui, ou une chose qui lui tire profit à lui en soi. Sa fonction aujourd'hui, c'est de retransmettre le message des messagers. Et il le fait comme il faut. Donc celui-là, d'accord, son travail, c'est une wasita. C'est une wasita mashrou'a. Paul, Akoul, قد بين الله تبارك وتعالى حكم الشفاعة وهو وما هو المثبت منها وما هو المنفي يعني ما هو الذي يجب إثباته واعتقاده بأنه ثابت وحق وما هو الذي يجب نفيه والحكم عليه بالبطلان بمقتضى نصوص السنة والقرآن. Donc il dit, je dis que Allah SWT a déjà clarifié le jugement de l'intercession, celle qui est affirmée et celle qui est refusée. C'est-à-dire celle qui nous est obligatoire de croire et de confirmer. Nous-mêmes on dit que cette shafa'a elle existe et on y croit et qu'elle est réelle. Et celle qui nous est obligatoire de refuser, de dire celle-là elle est batil, elle est fausse. Et cela en nous basant sur les preuves du livre de la sunna. Thumma qal fastakhrasa al-musannif rahimahullah ta'ala min hadhihi an-nusus allati minha qawlullah ta'ala يا أيها الذين آمنوا أنفقوا مما رزقناكم من قبل أن يأتي يوم نبيع فيه ولا خلة ولا شفاعة والكافرون هم الظالمون ومن قوله من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه فذكر أن الشفاعة تنقسم إلى قسمين شفاعة مثبتة وشفاعة منفية. Il dit que l'auteur a récapitulé ces textes, les preuves dans le matn, qui démontre justement l'intercession. Quand elle est acceptée, quand elle ne l'est pas. Dans les versets, c'était dans le matin. Donc là, on en déduit quoi? Que la shafa'a est de deux sortes. Celle qui est affirmée et réelle, celle qui est refusée, qui est fausse. قال والفرق بينهما أن شفاعة المثبتة هي التي أثبتها القرآن وهي التي تطلب من الله عز وجل ولا شرطان. الشرط الأول إذن الله عز وجل الشافع أن يشفع. الشرط الثاني الرضا منه تبارك اسمه عن المشفوع فيه. وبهذين الشرطين تكون الشفاعة مثبتة وشرعية. وأما الشفاعة المنفية فهي التي نفاها القرآن وهي التي تطلب من عين الله فيما لا يقدر عليه إلا الله تبارك وتعالى، كما صنع المشركون الذين طلبوا من عين الله عز وجل شفاعة جلب المصالح وضاف المدار على اختلاف أنواع المصالح واختلاف أنواع المدار الفردية والجماعية. انتهى. Il concluait en disant que la différence entre ces deux intercessions, ces deux shafa'a, c'est qu'un shafa'a qui est affirmé est celle que le Coran a confirmé et a accepté et a déclaré. Et celle-ci ne se recherche qu'auprès d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et elle est basée sur deux conditions. La première, l'autorisation d'Allah SWT pour l'intercédeur et pour celui pour qui on intercède. Comme dans sa parole, Man dhal ladhi yashfa'u, voyez, illa bi'izni. Qui donc est celui qui intercède, si ce n'est après son autorisation. Donc celle-là, tu ne peux intercéder si ce n'est que Allah l'a autorisé. Personne ne peut arriver et dire j'intercède. Si Allah ne veut pas, il n'y a pas d'intercession pour toi. Première charte, première condition, la permission d'Allah pour celui qui intercède. Deuxième condition, que Allah agrée qu'on intercède pour intercéder. Et qui est l'intercédé? C'est quelqu'un qui est le tawhid parmi les gens désobéissants, des muwahidin, des gens de la foi du tawhid. C'est pour eux la shafa'a. Comme a dit le Nabi sallallahu alayhi wa sallam, jouer la shafa'ati l'el kaba'ir min ummati, que mon intercession a été faite pour les gens de ma communauté qui ont commis des grands péchés. Et ça, c'est un rod sur qui? Sur les khawarij, qui disent que celui qui fait des grands péchés est dans le feu khawarij éternellement. Donc on répète, La shafa'a qui est confirmée et acceptée, c'est celle en premier lieu qui est recherchée auprès d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et elle a deux conditions. Première condition, que Allah autorise à l'intercesseur d'intercéder. Deuxième condition, que Allah agrée celui pour qui on intercède. Et parmi ceux qui intercèdent, il y a les gens pieux, il y a les prophètes, il y a les messagers, il y a les anges, il y a même le Coran. Et les gens rapprochés d'Allah, les awliyas, pour de vrais, mais les vrais awliyas, pas n'importe qui. Les enfants pour leurs parents, wakada. Après il dit, par contre, la shafa'a, celle qui est refusée, c'est celle que le Coran a reniée, celle qui est recherchée auprès de autre que Allah subhanahu wa ta'ala. Sur, dans ce quoi seul Allah est capable d'accomplir et d'agir. Comme l'ont fait qui? Les mouchtikoun de Quraysh. En recherchant la shafa'a auprès de autre que lui. Et dans le fait de pouvoir obtenir les bienfaits et de pouvoir refouler le mal. Sous toutes ses formes. D'accord? Qu'il soit un mal unique ou un mal, il y en a un mal, il y en a en multitude. Wa'akada. Donc là, on a fini la deuxième qa'ida. Le khurafa de cette qa'ida, c'est que les mouchidekoun, leur shubuhat, c'est qu'ils reconnaissent, comme on l'a expliqué, leur rububiyya. Cependant, ils ont pris leur divinité en guise d'intermédiaire entre eux et Allah subhanahu wa ta'ala pour attirer des bienfaits, pour repousser le mal et pour avoir la shafa'a auprès d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et cela est du shirk, comme l'ont démontré les versets. Après la shafa'a, on a dit les deux sortes. Celle qui est affirmée, le musbata, celle qui est refusée, manfiya. Celle qui est acceptée, c'est celle qui est recherchée auprès d'Allah subhanahu wa ta'ala seulement. Et elle a deux conditions. Que Allah autorise à l'intercesseur d'intercéder et qu'il agrée celui pour qui on intercède. Et l'intercession, celle qui est refusée, c'est celle qui est recherchée auprès d'autre que Allah. Dans ce quoi seul, Allah est capable d'accomplir. C'est-à-dire celle du Yom Al-Qiyama, par exemple. La Shafa'a, demain on peut demander une Shafa'a à quelqu'un dans cette dunya, il n'y a pas de problème. Par exemple, moi demain, je veux une chose auprès de Abu Mahdi. Abu Mahdi ne me connaît pas bien, par exemple. Et il connaît bien, la salaine, Zayd. Donc je vais voir Zayd, je suis Zayd, Barakallahu fik. Demande à Abu Mahdi pour moi telle et telle chose. Je ne le connais pas, il ne me connaît pas bien. Dis-lui, est-ce que, Inch'Allah, par exemple, il m'autorise, ma salaine, à prendre son livre. Il a un livre dont j'ai besoin, il n'y a que lui qui l'a. Je n'ose pas lui demander. Ishfa'ali, demande-lui pour moi. Cette shafa'a-là, tu l'as demandé autre que Allah, dans une chose que Zayd peut accomplir. C'est pas du shirk. Là, on parle de la shafa'a dans les choses que seul Allah peut accomplir, c'est-à-dire, yawm al-qiyama, dans les choses que seul lui peut accomplir et accepter. Naam, azaw. Ah, mais la shafa'a, en cette douille, il y en a plein. Comme a dit le Nabi sallallahu alayhi wa sallam, ishfa'u tujaru. Intercéder, c'est-à-dire pour vos frères, vous allez être récompensés. Mais tu intercèdes pour une chose qui est bien, mais entendu, pas pour un mal. Une chose qui est permise, ou même recommandée, akada. Nafouma dil qa'ida, athaniya. Naam. Faradan, sanakhouz, bidna ta'ala, athalitha. Faila huna, walhamdulillahi rabbil alamin.